Vitolo, Vitolo, Vitolo, ça c'est qui mais Vitolo, Mazo, je veux une pute aux cheveux bleus, Jolly, la substance, la substance, bébé, Jojo, wow, j'en ai bien plein dans la coupe, ya, yeah. C'est chaud un gros dingue, grand comme la montagne, je te prends pour mon chat, Jojo le goujat. Moi j'aime la cougar, moi je viens du Congo, Ozaki Toko, le maman qui a boîte de bourse en foiré. Yo madame t'as pas de capote en soirée, ya. Quand t'es du boulot du Coréa, vider le sac des Nyakoué. Mec, que je sorte mon ouai, je sors mon ouai. Comme Somal perché sur la rive, magenta. Pain, ta position pue la merde. Laisse-moi ma potion de pain. Laisse-moi un pochon de pain. Tu me vois sur le sol comme Deadson. Quand je quitte la porte, je peux descendre. Ya, pain. Maman, c'est maman, ça, tout ça. Ya. Tous les ans, je vais faire le double de monnaie. Pour la soirée, il faut le double de monnaie. C'est pas toi qui vas mettre le tout. Tous les ans, je vais faire le double. Pour la soirée, il faut le double de monnaie. Tous les ans, je vais faire le double de monnaie. C'est pas toi qui vas mettre le tout. Je me sens bien comme dans un exosquelette. Je me sens unique genre Tokyo Ghoul. Je charge le qui, je le j'écrase sur sa queue. Mental, Rital, Frozen. Tous ces conseils, grâce à nous. Moi des millions, j'en veux non. Ton argent nous trouve ou le nôtre. Ambiance au mouvement pis qu'un earthquake. Tu high comme si ton daron mangeait des space cakes. On te respecte pas parce qu'on respecte pas les fakes. Je suis sur Insta, mais jamais je like ses fesses. Le cloud, on l'a déjà hold up. Hier j'étais high, je volais comme dans eux. C'est sûr, elle va entendre la tape. Et par la suite, elle va chercher nos dubs. Avec toi, elle fait la sainte avec nous. Elle dit voilà, je suis une pute de luxe. Encore un souci en moins. Encore des sons, nous ont toujours plus. Avec toi, elle fait la sainte avec nous. Elle dit voilà, moi je suis une pute de luxe. Encore un souci en moins. Encore des sons, nous ont toujours plus. Si on s'arrête, c'est qu'on taille. Sinon, on n'est pas là, c'est qu'un fouet. Ça sent la merde ici, donc on taille. Tu cherches la merde, fais pas genre t'as des toys. Toi, fais pas genre t'as des toys. Fais pas genre t'as la race. Si on arrête, c'est qu'on est mort. Façon, nous ont, bah c'est que de l'amour.